Mireille Kanyang. Lundi 8 mars, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Plus de 5000 prisonniers ont bénéficié de la remise, soit totale, soit partielle, des peines privatives de liberté, comme contenu dans le décret présidentiel du 5 courant. Les détails, c'est en début de ce journal. Vous entendrez également l'Association pour la défense des droits des détenus, Nawaliza, qui s'en réjouit. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale des femmes. Les cérémonies se déroulent au stade Ngoma de Gitega. Dans cette édition, on vous parlera de la décision prise par la Confédération africaine de football CAF d'interdire le match entre le Burundi et la Centrafrique au stade Inouari. On aura l'analyse d'un journaliste sportif et des explications de la part de la Fédération de football burundaise. Et la chronique sportive de ce lundi nous parle de la participation aux compétitions de rallye. Des détails que vous entendrez dans cette édition mise en onde par François Akiman. Bonjour, page Justice. Pour débuter cette édition, plus de 5200 prisonniers ont bénéficié de la remise, soit totale, soit partielle, des peines privatives de liberté par la grâce présidentielle. Le décret présidentiel du 5 mars précise que bénéficient de la remise totale des peines privatives de liberté les prisonniers condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à 5 ans du chef de toutes les infractions, à l'exception notamment des crimes internationaux. Sous réserve de ces exceptions, les femmes enceintes ou ayant des enfants dans la prison vont également bénéficier de la remise totale des peines privatives de liberté. Les autres détails de cette mesure avec Aubin Niyonguru. Selon ce décret présidentiel, ne bénéficient pas de la remise des peines privatives de liberté les prisonniers condamnés pour des crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol à main armée, de la détention illégale d'armes à feu, de la participation à des bandes armées, de l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, du terrorisme et de l'homicide volontaire. Sous réserve de ces exceptions, bénéficient aussi de la remise totale des peines privatives de liberté les mineurs âgés de moins de 18 ans, les condamnés atteints de maladies incurables à un stade avancé, les condamnés âgés de 70 ans et plus, ceux atteints des maladies mentales et ceux atteints d'infirmités physiques notoires. La catégorie des prisonniers qui verront leur peine remise à moitié est constituée de condamnés à la servitude pénale à temps ayant purgé le quart de la peine. L'article 5 du dit décret précise plutôt qu'ils sont commués en peine de servitude pénale à 20 ans, les condamnations à la servitude pénale à perpétuité, exception faite aux condamnations suspensionnées. Les autres bénéficiaires de la remise totale de la peine sont les condamnés ayant exécuté trois quarts de leur peine, ainsi que les femmes condamnées pour infanticide ou avortement ayant purgé au moins 5 ans de servitude pénale, les récidivistes, les évadés, ceux qui ont été repris après, ceux qui ont facilité l'évasion et ceux qui ont été condamnés pour plus d'un dossier ne sont pas concernés par ce décret. Aubin Niyonguru et l'Association pour la défense des droits des détenus et de leur famille Nawaliza d'y avoir bien accueilli ce décret présidentiel. Jean-Marie Chimilimana, président de cette association, demande aux prisonniers à qui ont reçu la grâce présidentielle de bien se comporter au ministère de la Justice d'exécuter ce décret. Suivez-le, traduit en français par Alain Désiré Bukenez. Au niveau de l'association Nawaliza, nous sommes heureux et nous remercions le président de la République. Premièrement, nous avons vu que le président de la République a mis en application ce qu'il avait promis. Nous étions tristes à cause des prisonniers qui avaient reçu la grâce présidentielle, mais qui croupissaient toujours en prison. Nous disons mieux vaut tard que jamais. Le président Ndayishimiye a gracié ses prisonniers. Nous demandons aux Burundais de les accueillir avec joie sans considérer les fautes d'avant. Nous espérons qu'ils ont reçu la leçon dans la prison et que personne ne sera attrapé en train de commettre la même faute. À ces prisonniers, nous leur demandons de bien se comporter et de bien choisir leurs amis parce que nous connaissons que beaucoup d'entre eux ont été victimes de mauvaises compagnies. Nous remercions le président de la République pour les prisonniers à qui leurs peines ont été remises à moitié et demandons au ministère de la Justice d'exécuter le présent décret, surtout pour ceux qui avaient purgé un quart de leur peine afin de désengorger les prisons. Jean-Marie Nshimirimana, président de l'Association pour la défense des droits de détenus de leur famille, Ntabariza. Et célébration ce 8 mars de la Journée internationale de la femme, au plus haut sommet du pays, les cérémonies ont été rehaussées par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, au stade de Ingoma. Le thème de cette journée, le leadership féminin, source du développement inclusif. Et les femmes qui sont dans des postes de prise de décision ont le rôle majeur dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Jeanne Fayoguhora, secrétaire générale du Forum national des femmes, donne l'exemple des centres de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre implantés à l'intérieur du pays, notamment à Makamba. Elle ajoute que dans toutes les provinces, des rapports sur chaque cas de violence sont donnés aux responsables pour évaluer et prendre des mesures. Suivez-la au micro d'Ornella Mouchou. Dans le temps, les VBG, les violences basées sur le genre ne se parlaient pas. Mais avec les sensibilisations, avec les échanges qu'on fait avec des grandes dames qui sont dans les postes de décision, on a osé le dire. On a même une loi qui réprimande ce genre de violations. Tout ça, c'est un fruit du plaidoyer fait, non pas seulement par les femmes, mais aussi il y a des hommes qui ont aidé. Donc, les femmes qui sont dans les bonnes positions de prise de décision, programment, pensent, réfléchissent dans la place ou bien pour l'intérêt général des autres. Donc, c'est vraiment pour nous un avantage. C'est pourquoi nous continuons à demander beaucoup de place pour les femmes, parce que là où il y a la femme, elle est très sensible au genre. Et qu'est-ce qui a été fait de concret qui montre que vraiment vous êtes sensible dans la lutte contre les violences basées sur le genre? L'exemple concret, à part les sensibilisations, à part la loi qui a été déjà adoptée, il y a des centres de prise en charge qui ont été multipliés, qui ont été éparpillés dans d'autres coins du pays pour faciliter au moins les gens qui interviennent dans ce sens à prendre en charge d'une façon efficace et efficiente les femmes ou bien les gens qui sont dans le besoin. Et maintenant, il y en a à Makamba, il y en a à Chibitoki. C'est-à-dire que ce n'est plus à Gitega seulement. Et le centre Seruka qui est un peu privé était un peu débordé. La structuration, par exemple, au Forum national des femmes, s'est faite de façon qu'il y ait au moins un comité. Sur chaque colline, il y a 15 femmes. Chaque commune, il y a un comité de 5 femmes. Au niveau de chaque province, il y a un comité de 5 femmes. Elles proviennent des communes différentes. Donc, de façon qu'il n'y a pas de cas de violation basée sur le genre qui nous échappe. Ce qui se passe sur la colline est transféré directement sur la commune et de la commune à la province, de la province au niveau national. Si ça nous arrive au niveau national, on est obligé d'agir. Vous ratez l'essentiel. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons sport. Le manque d'infrastructures modernes sur le terrain Inouari et qui à Bujumbura est parmi les raisons qui ont poussé la Confédération africaine de football CAF à ne pas permettre le match entre le Burundi et la Centrafrique de se jouer à ce stade. Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la Fédération de football au Burundi, FFB, signale que les négociations avec les fédérations de football de Tanzanie et de Maroc sont en cours pour trouver un autre terrain où peut se jouer ce match. Suivez Jérémy Manirakiza, secrétaire général de la FFB, au micro de Jean-Marie Mayong. Le match Burundi-République centrafricaine comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021, le match ne pourra pas se jouer au stade Inouari comme à l'accoutumée parce que l'organisateur de la compétition, la CAF, la Confédération africaine de football, a jugé que le stade Inouari ne remplit pas tous les critères exigés pour abriter un tel match. Quelques-uns des critères qui ne sont pas remplis par, selon la CAF, le stade Inouari, c'est notamment c'est exigé que tous les spectateurs aient des sièges pour s'asseoir. Donc, on ne permet pas que le public assiste au match étant debout. Donc, il faut un siège. Et aussi, il y a des travaux qu'on devra faire dans les vestiaires pour remplir les normes. Ça, ce n'est que des exemples que je vous donne. Le stade Inouari n'abritera plus les matchs internationaux. Comment vous allez gérer cette situation? La CAF a demandé à la Fédération de football de désigner un stade dans un autre territoire pour abriter son match. On est en contact avec la Fédération royale marocaine de football pour abriter son match parce que ça permettrait à l'équipe nationale du Burundi de faire un seul déplacement parce que, comme vous le savez, après ce match Burundi-République centrafricaine, il y aura match Maroc et Burundi et c'est le Maroc qui va accueillir. Et l'autre fédération avec laquelle on est en train de discuter, c'est la Fédération tanzanienne de football. Là aussi, ça présente un avantage parce que c'est proche. Comme vous le savez, le stade Inouari a accueilli beaucoup de matchs internationaux, mais puisque la Confédération africaine de football fait des contrôles réguliers à chaque moment que les juges nécessaires, vous ne pouvez pas arguer que vous avez joué là sur ce stade et que c'est la seule raison qui vous pousse à continuer à jouer. Au niveau de la fédération, vous organisez pour voir comment c'est amélioré le stade? Pour le moment, on est en train de gérer la situation actuelle comme on était dans la logique d'amélioration des infrastructures sportives. Ça, c'est un exemple qui pourra pousser et la fédération et les pouvoirs publics à conjuguer les efforts pour avoir un stade de renommée internationale. Et cette interdiction de la CAF pour le Burundi d'abriter les matchs internationaux est une perte pour les caisses du pays, mais également le manque de soutien pour les Hirondais. L'analyse de Théodore Nunga, un des anciens journalistes sportifs, au moment où la CAF vient de suspendre ses matchs internationaux sur le sol au Burundi, faute de stade ne remplissant pas les standards internationaux. Suivez-le au micro d'Omer Ndouaïou. C'est vraiment dommage de jouer les matchs aller et retour à l'extérieur. Nos stades ne sont plus aux normes exigées par la FIFA et la CAF, ce qui handicapera justement les résultats des Inamba parce que le public ne sera même plus capable de les soutenir parce que tous les matchs seront joués à l'extérieur. Je me dis que les dirigeants, que ce soit de la fédération ou les dirigeants sportifs, voient l'importance justement de la construction d'un stade aux normes de la FIFA et de la CAF parce que avoir un bon stade aux normes de la FIFA et de la CAF permet aux équipes nationales de se classer au niveau du classement FIFA. Donc c'est dommage, mais je crois que ce sera remédié dans les années à venir. Je me dis qu'ils sont aussi préoccupés par la fermeture de ces stades qui ne seront plus aptes à accueillir les matchs internationaux. Le stade Inouari accueillait auparavant des grands matchs. Nous avons vu le match des Sénégalais contre le Burundi, les Marocains contre le Burundi, mais pour le moment, le stade est suspendu. Est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme ou fraude? Non, c'est dommage qu'on en est arrivé là parce que les dirigeants sportifs étaient avertis. Ce n'est pas seulement au Burundi que les stades sont suspendus, que ce soit au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, au stade des Martyrs à Kinshasa. Tous ces stades ont été suspendus. La CAF avait averti les fédérations de ces différents pays. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement au Burundi, c'est partout. Je crois que c'est même une très bonne chose pour moi, car les autorités seront obligées de construire un bon stade au nom de la FIFA et de la CAF dans les meilleurs délais. Où réside réellement le désavantage à la nationale burundaise? Les désavantages sont énormes. D'abord, on ne pourra pas rentrer les recettes dans nos stades. Ensuite, les Inamba seront obligés de jouer les matchs aller et retour à l'extérieur. Et puis le public ne verra pas la prestation de nos Inamba qui, ces dernières années, se comportent très bien. Alors, vous comprenez que c'est un avantage énorme. Mais je me dis que les autorités politiques et sportives voient le problème qui vient de se poser et que au lieu de construire beaucoup de stades qui ne sont pas aux normes de la CAF et de la FIFA, c'est bien qu'il faut construire des stades parce que ça donne beaucoup de facilité aux joueurs de pouvoir se produire. Mais il faut au moins un seul stade pour accueillir les matchs internationaux pour que le Burundi soit bien classé au niveau de la CAF et de la FIFA. Théodore Nunga, ancien journaliste sportif. En page commerce, en manque de courant électrique et des stands propres à eux sont parmi les difficultés que rencontrent des commerçants qui occupaient des places autour du marché urbain de Jabé. C'est ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Sanganiro, disant enregistrer des pertes énormes. Et Renova Sindeyehoura, administrateur de la commune Mukaza, invite ces commerçants à désigner un comité qui peut travailler ensemble avec l'administration de la municipalité pour trouver solution. Lydia Gahimbari. Ce sont des commerçants qui exerçaient leurs activités aux alentours du marché d'Ojabé entre la 8e et la 10e avenue de la zone Biza. Ces derniers indiquent que les stands qui leur avaient été donnés ne leur appartiennent pas. Par conséquent, disent-ils, leurs propriétaires de ces derniers sont entrés de leur équipe. D'autres disent que leurs marchandises sont toujours dans des J'exerce mon petit commerce ici, à l'intérieur de ce marché, mais nous occupons des stands des autres personnes. Nous essayons d'asseoir à côté. Il me semble qu'ils n'avons pas de place. Nous demandons aux instances concernées de refaire la distribution afin que nous ayons des stands propres à nous. Même si je fais le commerce ici, je me sens mal car mes marchandises sont toujours dans les stocks que vous voyez là-bas. J'ai des fers à béton, des sacs de ciment et des tuyaux qui sont trop longs. Mais vous voyez que ce stand est trop petit. Je ne peux pas avoir un espace suffisant pour mes marchandises. Le manque d'électricité que connaît le marché d'Ojabé handicape leurs activités commerciales, déplore-t-il. Celui-ci évoque des pertes occasionnées par cette situation. Je suis un réparateur de postes radio, de télévision et de téléphonie mobile. Cela exige de l'électricité. Nous enregistrons des pertes énormes suite au manque du courant électrique à ce marché. Nous demandons au gouvernement d'alimenter ce marché en électricité pour faciliter nos activités. Pour pallier ce problème, l'administration communale de Mukada propose à ses commerçants à louer des stocks pour conserver leurs marchandises. L'administrateur de la commune Mukada, Renova Sindayebula, les appelle à désigner un comité qui va travailler avec l'administration municipale pour trouver solution. Nous leur recommandons d'utiliser les stocks extérieurs. Ils peuvent louer des espaces de stockage à l'extérieur du marché. Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas encore eu des places dans le marché, nous leur avons demandé de se réunir et de choisir 5 représentants pour qu'ils puissent venir. Les stations sont disposées à écouter leurs doléances, quitte à ce qu'ils puissent les transmettre au niveau de la municipalité de Bujumbura et discuter avec le maire de la ville. Cela est ainsi au moment où le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pris une mesure de fermer les maisons d'habitation qui sont autour des marchés transformés en magasins. Rendons-nous en province Kayanza pour parler éducation. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza demande au directeur des écoles en cette province de ne plus renvoyer les élèves finalistes pour chercher leurs dossiers individuels. Les élèves disent apprécier positivement cette décision, arguant que non seulement ils perdaient du temps à suivre les apprentissages, mais aussi ça demandait beaucoup de moyens pour arriver à différentes écoles où ils ont étudié. Le point avec Patrick Senguiyoum. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza indique que cette décision a été prise après que certains des élèves des classes terminales avaient saisi la direction provinciale de l'éducation, disant qu'ils éprouvaient d'énormes difficultés quand les directeurs d'école les renvoient à la recherche de leurs dossiers individuels. Désiré Atungimana fait savoir que la loi régissant la demande et l'acquisition des dossiers individuels des élèves est bien claire. C'est aux directions des écoles de s'adresser des correspondances relatives à ces activités sans que les élèves y soient impliqués, explique le directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Quand les dossiers individuels des élèves tardent à parvenir au directeur d'école dans les meilleurs délais, Désiré Atungimana leur demande de se confier aux directions communales de l'éducation ou à la direction provinciale de l'éducation pour la facilitation. On appelle et lance également par son responsable aux parents des élèves qui verront leurs enfants renvoyés de l'école à la recherche des dossiers scolaires. Les élèves des classes terminales contactés disent se réjouir de cette décision de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza. Ils nous ont indiqué que ces derniers jours, quand ils étaient renvoyés à la recherche des dossiers scolaires, non seulement ils perdaient du temps de suivre les cours avec les autres, mais aussi ça leur demandait beaucoup de moyens pour arriver à différentes écoles où ils sont passés, surtout ceux qui ont étudié dans différentes provinces du pays. Même certains des enseignants des classes terminales interrogés à ce sujet disent qu'ils saluent cette décision, arguant que ces élèves de retour à l'école, ils étaient obligés d'effectuer des interrogations de rattrapage, ce qui d'après eux ne manquait pas d'impact négatif sur le rendement scolaire de l'élève. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive de ce lundi nous parle des critiques exigées pour participer dans des compétitions de rallye. Adone Gamillé, directeur des courses au sein de la Fédération burundaise des clubs automobiles, fait savoir que les participants doivent avoir des véhicules destinés au sport de rallye qui remplissent toutes les règles régissant le sport de rallye. Les détails, c'est dans cette chronique sportive signée Marie-Claire Kazeneza. Eh bien, à la technique, l'on m'a fait signe que la chronique sportive de ce lundi n'est pas prête. Eh bien, on y reviendra dans nos journaux de la soirée à 13h15 dans nos studios. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à François Kimana qui a assuré la mise en onde. Encore une fois, une très bonne fête pour les femmes. À plus.